Aujourd'hui aux archéologues du rock, le 8 décembre, date mystérieuse. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue en ce 14e épisode des Archéologues du Rock, où nous allons parler... Première année complétée, c'était fin mars l'année dernière. C'est bien vrai, donc on a un an officiellement. C'est bien, t'as plat dedans. High five! C'est là. Aujourd'hui, on parle du 8 décembre. Oui, on n'est pas le 8 décembre, mais on va parler du 8 décembre. Parce que c'est une date à laquelle il y a eu, au cours des années... beaucoup de décès célèbres dans des circonstances parfois banales, parfois un peu extraordinaires. Oui, en effet. Puis j'ai remarqué ça, en fait, j'étais comme, voyons, non, il dormait, une jambe mort le 8 décembre, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est suffisant pour en faire un épisode. Yeah! Commençons tout de suite avec notre premier sujet. Il s'agit... Dimebag Darrell, dis-je, le fondateur et guitariste du groupe Pantera, qui a été extrêmement influent durant le début des années 90. Son décès date de l'année 2004. Oui, le 8 décembre 2004. C'est vraiment une sale histoire. D'ailleurs, si on permet, j'ai apporté le livre duquel je m'inspire. Donc... Pantera est un groupe extrêmement influent, ils ont été très très populaires, ça, c'est devenu, c'était aussi une musique extrêmement brutale qu'ils faisaient, ils ont décidé consciemment, selon ce que j'ai lu dans le livre Louder Than Hell, je fais une publicité en même temps, que Phil Anselmo, le chanteur, se donnait tellement en show que ça devenait difficile pour lui au niveau physique, il avait des blessures carrément. Vocal ou? Non, physique. OK. Parce que tu te faisais juste garocher sur scène. Oui, puis qu'est-ce que je disais avant de parler du livre, c'est qu'ils ont décidé consciemment de prendre la place de Metallica, qui sont devenues des filles en 1991 avec Black Album. Je fais des blagues, OK, bien entendu. Je ne pense pas vraiment qu'ils soient devenues des filles. Je ne suis pas de cette école-là qui pense qu'il faut dénigrer les musiciens en disant qu'ils sont des filles. Voilà. Bon. Ben okay, non, parce voilà, que c'est correct d'être une fille. Ceci dit, c'est un fait qu'à partir de la sortie de l'album Black... Leur fanbase est devenue très, très importante, puis plus, selon plusieurs, métalleux sont devenus beaucoup moins métal. C'est devenu du pop-rock. À mon avis, Metallica fait du pop-rock. Du pop-rock depuis... c'est ça, depuis le début des années 90. Mais c'est pas mal fait pour autant. Moi, je ne dis rien sur Metallica. C'est trop un sujet contentieux. Donc, mais Pantera a vraiment décidé de prendre la place brutale qui leur revenait, quelque part. Et c'est ça, Phil Anselmo avait des difficultés, des blessures, en fait, physiques. Et il a commencé à consommer ce qui est quand même le plus grand analgésique de tous les temps, de l'héroïne. OK! Et il n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme on dit. Non, et là, ça a commencé à chier aussi, comme on dit. Et avec le temps, en fait, il y a eu plusieurs bagarres, des personnes qui ne s'entendaient pas. En 2001, ils ont décidé, tous les membres de Pantera ont décidé de se séparer pendant 6 mois, 1 an. Ben, pas se séparer, mais juste rien faire pendant 6 mois, 1 an. Pendant ce temps-là, Phil Anselmo a commencé son propre groupe qui s'appelle Down, mais selon... l'histoire, à cause des drogues, Phil Anselmo a commencé à dire n'importe quoi sur les frères Abbott, qui sont le Dimebag Darrell et Vinnie Paul Abbott, les guitaristes et batteurs de Pantera. Et les gars de Pantera, les frères Abbott, ont commencé eux autres aussi à dire n'importe quoi en entrevue au sujet de Phil Anselmo. Là, qui dit la vérité, on ne sait pas. Il y a des fans qui prenaient du côté de Phil, il y a des fans qui prenaient du côté des frères Abbott. Et qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre? C'est qu'il y a un fan de Pantera, un ancien Marine, son nom de famille c'est Gale, complètement dérangé, qui est arrivé dans un club où les frères Abbott jouaient dans leur nouveau groupe qui s'appelait Damage Plan. Et il y a shooté, il a tiré dans 3 coups à la tête à Dimebag Darrell. Et il a tué plein d'autres monde autour d'ailleurs, dont une fille qui essayait d'enlever le gun au gars. Il a fait juste comme va-t'en. Ouais, ouais, t'es brave cette fille-là. Oui, c'est une employée du club, quelqu'un qui essayait de donner le RCR à Dimebag Darrell, qui avait été shooté 3 fois dans la tête. Vraiment, des soins de réanimation. Le chef de la sécurité, Damage Plan, aussi, qui a un peu raté son coup ce soir-là, mais bon. Puis, en fait, ce fan-là, il a été tué sur le coup, mais il est comme reconnu qu'il prenait le bord de Phil Anselmo et que c'est un peu à cause de toutes les trash talks qui se sont fait, qui a été fait, voilà, à travers les journalistes, les médias, qu'il voulait juste détruire les frères Abbott, les exterminer. Et c'est ça qui est arrivé le 8 décembre 2004. Bon, mais bien... D'ailleurs, Phil Anselmo n'a même pas été invité à l'enterrement, aux funérailles de Dimebag Darrell. OK, ça en dit long. Oui, il ne se parle toujours pas. Vinnie Paul, le frère Abbott survivant, et Phil Anselmo ne se parlent toujours pas. C'est la joie! Non, oui. ce n'est pas du tout, justement. Mais ouais, ça, c'est vraiment une sale histoire. Oui, en effet. Donc, en mémoire de Dimebag Darrell, on va aller écouter un extrait d'une pièce de Pantera à l'instant. I knew you. C'est tellement powerful. Je pense que la prochaine fois, on va se filmer pendant qu'on va juste pour nous voir le headbanging. Puis... Et voilà, donc un petit plaisir coupable. Pantera, on vient d'entendre. Cowboys from Hell, on ne l'avait pas dit. Effectivement. Autre décès assez célèbre, un 8 décembre. Décembre, il s'agit de. Antonio Carlos Jobim. Merci, oui. Hélène. Zobim, je ne sais pas comment prononcer. Moi, je l'appelle affectueusement Antoine Charles Jobim. Moi, ça me plaît pour l'instant. Par contre, Jobim est mort d'une façon un peu moins tragique que le précédent. C'est-à-dire que lui, c'est une cause de santé. Oui, ben suite à une opération, donc en même temps, c'est comme mi-naturel. Par contre, étrangement, au fil de nos recherches, on s'est rendu compte que les versions francophones et anglophones des causes de son décès sont complètement différentes. Mm-hmm. Du côté des anglophones, on parle plutôt d'une opération suite à une tumeur de la vessie. De la vessie, oui, c'est ça. Et des complications suite au moment de récupération, donc en fait une embolie pulmonaire qui cause un arrêt cardiaque, alors que dans les versions francophones et aussi dans l'eulogie du New York Times de 94 qui se retrouve sur le web. Donc, c'est... Il s'agit d'une intervention, un décès suite à une intervention chirurgicale pour traiter son artérosclérose. Voilà, donc il n'y a pas question de cancer de la vis. Étrange. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a un lusophone qui nous écoute et qui connaît bien M. Jobim, vous pouvez nous le dire. D'ailleurs, peut-être que ça vous dit rien, Antoine Charles Jobim, mais oh, que vous le connaissez. En fait, si je vous dis Brésil, à quoi pensez-vous musicalement? Brésil, oui, je me souviendrai toujours. Mais moi, je pense à... En fait, ce n'est pas le père de la musique de l'ascenseur. il est beaucoup plus que ça. C'est entre autres un des... Co-fondateurs de la bossa nova. Oui, qui est une branche de la musique jazz. Une musique tout à fait typiquement brésilienne. En fait, une tentative de jazzer la samba. Exactement. Donc, pour le plaisir de nos oreilles, on va l'écouter « Agua de beber » de Antoine Charles Jobim. Água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de beber, água de petit bébé comment. Après Pantera, c'était Antonio Carlos Jobim. 1984, cette fois-ci, un autre événement assez tragique et dont j'imagine que tu risques de pouvoir nous parler en détail parce qu'il s'agit d'un incident qui a rassemblé Vince Neil de Motley Crue et Razzle du band Hanoi Rocks. Et tiens, je te laisse nous raconter ce qui s'est passé. Oui, en effet. Donc, le 8 décembre, ça faisait, à ce qu'il paraît, 3 jours qu'il y avait une grosse fête chez Vince Neil. Donc, il y avait vraiment une quantité énorme d'alcool et, à ce qu'il paraît, une pile qui ne finissait jamais de cocaïne. C'était juste comme une trop grosse pile. Et le 8 décembre au soir, alors qu'il manquait d'alcool, Vince Neil a décidé d'aller chercher de la bière dans sa voiture de Tommaso Pantera. Il y aura un autre lien avec Pantera ici. Et ils ont Attends, qu'est-ce que tu veux dire par dans sa voiture de Tommaso Pantera? C'est un type de voiture. C'est comme une Ferrari, une chose, truc. C'est okay. Comme c'est une de Tommaso Pantera. C'est un type de voiture sport très pour. Pour Jean Rich, que si vous la googlez, moi je la trouve absolument débilement laide. J'ai googlé hier pour être sûre de ce que je parle. Je trouve ça pas beau, genre, ce genre de char-là. Bon, voilà, c'est dit. Bon. Mais Vince Neil, c'était une de ses voitures. Donc une voiture de course, vraiment une voiture performante. Et ça, à ce qui paraît, c'était vraiment juste pour aller comme à l'équivalent du dépanneur californien, aller se chercher de la bière. Et il aurait vraiment pu faire ça à pied, là, carrément. Ils ont décidé d'y aller en voiture. Et en revenant, il y avait une espèce de condensation sur la route. Vince Neil conduisait très vite et il était en état d'ébriété. Il a perdu contrôle. Et il a percuté une voiture qui allait dans l'autre sens. Okay. Razzle, qui était côté passager, a succombé à ses blessures pratiquement sur le coup. Mm-hmm. Les deux passagers, le conducteur et le passager de la voiture qui a été emboutie, ont aussi été blessés. Il y en a une qui a dû réapprendre à parler, d'autres c'est des séquelles permanentes. Wow! Et Vince Neil a eu quelques côtes fêlées, une commotion cérébrale et quelques égratignures au visage. Et quoi, 6 mois de prison? 18 jours de prison. Ah! 2 ans plus tard. Oh mon Dieu! Donc, mais c'est vraiment, et on en a déjà parlé dans un épisode précédent, c'est vraiment un traitement particulier. Le gars, il a quand même, il est responsable de la mort de quelqu'un d'autre et il fait 18 jours de prison. Absolument. Il y a des raisons pour ça. OK. Je veux pas être celle qui défend, là. Quand je me mets dans une situation comme difficile, je veux pas être celle qui défend... le système californien ou que oui, c'était bien avoir 18 jours de prison. Non, vraiment pas, mais il y a des raisons pour ça. On se souvient aussi, l'été 2007, que Paris Hilton avait fait une peine d'incarcération de 45 jours pour des déboires avec l'alcool au volant. On dirait que les célébrités l'ont plus facile, mais il y a vraiment des raisons. La Californie, là où il y a plusieurs procès de stars, ils n'ont pas des lois qui sont particulièrement punitives. Ensuite, la population carcérale californienne est très imposante. Donc, quand il y a une star qui arrive entre les murs d'une prison, il faut faire une chambre spéciale. Il faut la protéger parce que ça pourrait être vraiment dangereux, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça devient vraiment difficile de gérer cette, euh, cette population à quelque part. C'est aussi une demande qui est souvent faite par les avocats, justement, pourquoi il y avait harcèlement, c'est ça, pourquoi il y avait de menaces. Donc, pour avoir cette condition-là pour une période prolongée, ça devient très difficile. Et le juge aussi se met dans une position très difficile. Donc, est-ce que je dois mettre plus longtemps, mais au risque de... créer des précédents judiciaires. C'est ça, puis... ou je mets... ou des fois, on a des juges qui peuvent être impressionnés aussi par l'histoire. Il y a toute une série... de, entre guillemets, raison. Et là, encore une fois, je tiens à dire que je n'excuse pas ces sentences. De toute façon, je connais vraiment rien dans le droit et la loi. Je connais vraiment rien là-dedans. Donc, il y a des raisons pour ça. Et est-ce que les musiciens sont vraiment comme des bonnes personnes pour faire un exemple aussi? Il y a toute une question de role model. Il y en a beaucoup, des musiciens, surtout des musiciens, des jeunes filles qui ont dit que c'est des... rôle modèle pour pour leurs jeunes fans, mais moi je me pose vraiment cette question. La question de Miley Cyrus, c'est cette dernière année qui a fait couler beaucoup d'encre, justement parce qu'on considérait qu'elle devrait adopter un comportement plus exemplaire. Ouais. Pourquoi? En tout cas, puis finalement les sentences pour les musiciens, on peut comme croire que c'est dans la fameuse guerre aux drogues, le war on drugs, c'est comme une preuve que quelque chose se fait alors que il y a vraiment un problème beaucoup plus grave de toxicomanie chez certaines populations qui sont complètement occultées, mises de côté par les arrestations de personnes célèbres qui sont peut-être la pointe de l'iceberg. En tout cas, il y a plein de problématiques par rapport à ça. Puis en plus, j'imagine que ça génère une certaine quantité d'argent, des événements comme ça, tu sais, dans la presse et ainsi de suite. Oui, en effet. Il y a un revenu qui vient avec ça. Il y a toute une économie, oui. Donc c'est facile de dire « Ah, 18 jours, oh non! » Mais il faut regarder aussi, il y a plein d'autres choses qui se passent autour de cette problématique-là. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment pas beaucoup. À ce qu'il paraît, selon Neil lui-même, il a réussi à coucher avec des filles pendant ce temps-là. Moi, j'ai jamais cligné. Je suis vraiment découragée. Sur ça, on va retourner du côté un petit peu plus rock. Donc, on va aller écouter un extrait du band Hanoi Rocks, justement, le band duquel faisait partie Razzle. La pièce s'intitule Boulevard of Broken Dreams. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 7 décembre 1980, donc... Tu triches! On triche! Mais vous allez comprendre pourquoi. Est décédé Darby Crash du groupe The Germs, qui était le chanteur et le cofondateur de ce groupe. The Germs a été un groupe énormément influent pour le punk des années 80, 90, 2000. En fait, dans The Germs évoluait un certain Pat Smear, qui est devenu le guitariste invité de Nirvana. On le voit dans leur show Unplugged. Et le guitariste des Foo Fighters aux côtés de Dave Grohl, rien de moins. Donc, il a commencé sa carrière dans The Germs. Mais Darby Crash a décidé d'être le Sid Vicious américain, celui qui allait passer à l'histoire. Et il s'est suicidé avec une dose fatale d'héroïne. Okay. En fait, c'est un pacte de suicide avec son ami de cœur. Son ami de cœur a survécu. OK. C'est le fun, ça. Mais lui, il est décédé. Et 24 heures plus tard, un certain John Lennon est tiré à bout portant à New York. Donc, prit. La même année. La même année, à peine 24 heures de différence. Sur deux côtes, par exemple. Donc, oups! Ça a un peu raté. Mais on en parle aujourd'hui. Donc, Darby Crash, on se souvient de toi. Et justement, on va écouter une chanson qui était peut-être prémonitoire. non, pas du tout, en fait. Non, The Germs, comme je l'ai dit, sont extrêmement influents. La tune s'appelle « What We Do Is Secret ». on peut comprendre pourquoi The Germs, qui faisait partie de la scène punk californienne du début des années 80, pouvait inspirer de la violence physique, des émeutes dans leur show, après avoir entendu des choses comme ça. Parce que moi, je me sens agressive. On va écouter quelque chose qui nous calme. Et voilà. Donc oui, le 8 décembre 1980, John Lennon est tombé sous les balles de Mark David Chapman. Mm-hmm. Pour faire une boucle avec notre premier sujet d'aujourd'hui, il s'agit encore une fois d'un fan fou. Oui. Qui avait besoin de faire associer son nom à celui de son idole pour la nuit des temps. Ça a réussi. Exactement. Mm-hmm. Je pense pas qu'on a besoin de parler de l'influence de John Lennon sur l'histoire de la musique. Un des Beatles qui a écrit... Oh, combien de hits et de chansons importantes qui ont vraiment modelé la manière dont on fait la musique rock, la musique pop aussi, et tous ces genres-là, jusqu'à aujourd'hui. Et encore pour un bon moment, ça, très certainement. Pour faire un autre lien avec un sujet précédent, on parlait du fait que Vince Neil, tout à l'heure, a fait 18 jours de prison pour avoir tué quelqu'un. Et blessé gravement deux autres personnes. Et que c'est entre autres pour sa sécurité qu'il n'a pas fait plus de prison que ça. Mais ce qui est drôle avec Chapman, qui lui va faire de la prison à vie pour avoir tué John Lennon, c'est que c'est tout le contraire. Il pourrait faire le nombre de demandes de libération conditionnelle qu'il voudra. Il pourrait avoir l'attitude la plus exemplaire du monde en prison. Le gars sortira jamais parce qu'il survivrait sans doute pas à une seule journée de liberté. Moi non plus. Je ne crois pas ça non plus, effectivement. Fait que c'est deux poids, deux mesures, mais en fait, je pense que Chapman est quand même très, très bien en prison. Puis que c'est ça sa place. Donc, c'est complexe, hein? Oui, c'est assez particulier. Je pense que c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Oui, on va espérer que personne ne meure le 8 décembre 2014. Personne d'important, parce qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Désolée d'être une party pooper. Désolée. Mais ne pas devoir refaire l'épisode l'année prochaine, voilà. Exact. Donc, rendez-vous dans quelques semaines pour le 15e épisode. Mm-hmm. Le sujet reste à déterminer. On vous fera savoir sur notre page et vous pourrez d'ailleurs avoir des liens, notamment sur une vidéo assez intéressante à propos de... Darby Crush? Oui, exactement. Darby Crush et toutes sortes de liens. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous et au plaisir de se revoir. Au revoir. Bonne soirée. We'll be right back.